Marnef dit bonsoir à sa femme, à qui, par une démonstration de tendresse apparente, il prit les bras. Valérie serra d'une façon significative la main de son mari, ce qui voulait dire « Débarrasse-moi donc de Crevel !»« Bonne nuit, Crevel !» dit alors Marnef. « J'espère que vous ne resterez pas longtemps avec Valérie. Ah, je suis jaloux. Ça m'a pris tard, mais ça me tient. Et je viendrai voir si vous êtes parti. » « Nous avons à causer d'affaires, mais je ne resterai pas longtemps, » dit Crevel. « Parlez bas, que me voulez-vous ? » dit Valérie sur deux tons, en regardant Crevel avec un air où la hauteur se mêlait au mépris. En recevant ce regard hautain, Crevel, qui rendait d'immenses services à Valérie et qui voulait s'en targuer, redevint humble et soumis. « Ce Brésilien !» Crevel, épouvanté par le regard fixe et méprisant de Valérie, s'arrêta. « Après, » dit-elle. « Ce cousin !»« Ce n'est pas mon cousin, » reprit-elle. « C'est mon cousin pour tout le monde et pour Monsieur Marnef. Ce serait mon amant que vous n'auriez pas un mot à dire. Un boutiquier qui achète une femme pour se venger d'un homme est au-dessous, dans mon estime, que celui qui l'achète par amour. Vous n'étiez pas épris de moi. Vous avez vu en moi la maîtresse de Monsieur Hulot, et vous m'avez acquise comme on achète un pistolet pour tuer son adversaire. J'avais faim, j'ai consenti,